vais zoner ce soir. Oui, j'ai le blues. Un pote m'appelle et me dit d'où l'on sort. J'fais du liquide de coffre pour l'illégal et le bang. Tout va bien, y'a pas de stress, j'dors le peu pompe à planque. Les dealers, j'suis pas un dealer, qu'un rappeur de la ville. Je joue pas le killer. Y'a pas de love, pas d'amitié, y'a plus de cœur pour tous ces bâtards. Là je vole, j'vois tout, mais comme d'hab c'est qu'un rêve. Qu'un rêve, ouais comme d'hab c'est qu'un rêve. Qu'un rêve. J'aime sortir avec mes potes, mais bon j'peux pas là. Ils parlent de toi même quand tu fais folle, y'a des jaloux par là. Non y'a personne qui m'épaule, que j'tourne en ronfada. On était ensemble depuis l'école, en boîte, en Prada. Ouais Marseille c'est ma zone, pour un rien ça s'abat. On ne comprend plus grand chose au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. J'ris, car le sourire on m'a dit. Maintenant juge à ta gueule, à ta façon de faire. Ouais elle cherche billet la girl, elle risque de me perdre. Tu t'es mon pote, je te croyais. Le bon Dieu fait bien les choses. Personne l'a vu, j'ai failli me noyer. Des fois la vie n'est pas rose. L'argent, les femmes, t'aimes ça à la folie. Tu regardes plus la tête quand le boulet est joli. Me parle plus de cœur, le mien on me l'a démoli. J'ai envie de les insulter, mes frères, oh, je reste poli. J'avais la haine hier, elle est partie cette nuit. J'ai peut-être fait confiance à mes futurs ennemis. J'crois que j'suis dans ma bulle, tu vois la scène mon ami. T'as le sang toute la journée, tu vois la scène mon ami. J'aime sortir avec mes potes, mais bon j'peux pas là. Ils parlent de toi même quand tu fais folle, y'a des jaloux par là. Non y'a personne qui m'épaule, que j'tourne en ronfada. On était ensemble depuis l'école, en boîte, en Prada. Ouais Marseille c'est ma zone, pour un rien ça s'abat. On ne comprend plus grand chose au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. J'aime sortir avec mes potes, mais bon j'peux pas là. Ils parlent de toi même quand tu fais folle, y'a des jaloux par là. Non y'a personne qui m'épaule, que j'tourne en ronfada. On était ensemble depuis l'école, en boîte, en Prada. Ouais Marseille c'est ma zone, pour un rien ça s'abat. On ne comprend plus grand chose au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat. Au charbon que ça rabat.